Nulle cause n'est perdue s'il y a encore un pauvre fou prêt à se battre pour elle. Maintenant, je vais écrire deux lettres. Je te crois assez fou pour le faire. Mon rap appelle le poison, ou art qui rayonne. J'y suis à l'aise comme un poisson dans un aquarium. Ou reste honnête, c'est clair, pas là pour que tu trouves sa teub. Je veux que tu kiffes, mec, comme un obèse qui retrouve sa teub. Le truc est simple, mon pote, là, c'est que matin on me déçoit. Je suis hip-hop tous les jours, matin, midi et soir. Et ça, c'est pas du bise, on t'emmerde, c'est quoi cette arnaque, putain. Mon rap, c'est pas le Club Med ou la Starac. Écoute, assieds-toi à ma table et dealer de secondes. C'est moins rentable, mais je livre mes rimes comme un dealer de seconde. Fier de mes textes, je vais pas lâcher le stylo ou vis qui m'empêche, tape mes lettres et mon verbe. Car tout n'est pas dans le style vestimentaire, non. Au secours, je suis nostalgique du rap d'antan. Trop old school quand on s'agite au mic, t'entends. Être trop balèze, mon gars. Comme si j'avais la forme du luxe et E2L Difta. Tu connais la formule. C'est classique, faut que tu kiffes, c'est juste la scie. Qu'on l'aime à la folie comme deux évadés de l'asile. On partage nos idées honnêtes, on essaie de l'être. En vérité, notre art, c'est juste de l'être. C'est classique, faut que tu kiffes, c'est juste la scie. Qu'on l'aime à la folie comme deux évadés de l'asile. On partage nos idées honnêtes, on essaie de l'être. En vérité, notre art, c'est juste de l'être. Jamais loin des hip-hop, quoi qu'il se passe. Je me nourris aux 16 bars et aux biches. J'te de lettres qui sont aux antipodes, des croyances altérées. Si mes potes sont des altères, j'ai avec le jack pour me désaltérer. De lettres trop vite enterrées, la tête dans le sac, hein, les pertes impensables. Et amour, unité comme ça. J'te de lettres, mais un de ses rêves qui a des vies à donner sens. Et pas juste une carence traînée depuis l'adolescence. J'te de lettres. Mais qui montre que l'on respire, puisque l'or noir c'est l'encre diluée à l'antre de nos esprits. De lettres qui se murmurent, qui se crient, qui s'écrivent sur les murs. Si elles endurent du mépris, de lettres qui graffent, qui scratchent. De lettres qui break, de lettres qui se battent, grave sa rage. De lettres qui ne baissent pas la tête. De lettres qui survivent entre les mines tranchantes et qui s'exclament à l'échange. Juste de lettres, mais tant de sens qui s'exhalent de ces deux lettres. Nos vies sur feuilles, le poids de nos silences, fissures et failles. C'est classique, faut que tu kiffes, c'est juste la scie. Qu'on l'aime à la folie comme deux évadés de l'asile. On partage nos idées honnêtes, on essaie de l'être. En vérité, notre art, c'est juste de l'être. C'est classique, faut que tu kiffes, c'est juste la scie. Qu'on l'aime à la folie comme deux évadés de l'asile. On partage nos idées honnêtes, on essaie de l'être. En vérité, notre art, c'est juste de l'être. Jamais loin des hip-hop, quoi qu'il se passe. Je me nourris aux 16 bars et aux beats. C'est classique, faut que tu kiffes, c'est juste la scie. Qu'on l'aime à la folie comme deux évadés de l'asile. On partage nos idées honnêtes, on essaie de l'être. En vérité, notre art, c'est juste de l'être. C'est classique, faut que tu kiffes, c'est juste la scie. Qu'on l'aime à la folie comme deux évadés de l'asile. On partage nos idées honnêtes, on essaie de l'être. En vérité, notre art, c'est juste de l'être. Jamais loin, loin de hip-hop, quoi. Jamais loin de hip-hop, quoi qu'il se passe. Jamais loin de hip-hop, quoi qu'il se passe.